choses pour pouvoir laisser vraiment quand même du temps de questions, de laisser chacun d'entre vous présenter les extraits que l'on va montrer, les très courts extraits que l'on va montrer. Donc d'abord Anne-Marie, donc ça, on va montrer un extrait du film autour du Portugal, la coopérative. Ouais. Donc est-ce que vous pouvez en dire deux mots? On regarde l'extrait et ensuite on fait la même chose pour Hélène et Jean-Luc. Donc là, c'était donc 2 ans après la révolution des œillets, donc qui avait eu en 1974, donc c'était en 1976. On est donc parti à 4 personnes, avec tout le matériel, tournage, montage, etc., en 2 chevaux. Et donc on est arrivé, en fait, j'ai retrouvé un compte-rendu qu'on avait fait pour Lina, parce que Lina nous avait gentiment prêté des bobines pour tourner. Donc l'idée elle est venue en fait, c'était des immigrés portugais qu'on avait rencontrés dans la région lyonnaise et qui évoquaient la révolution des œillets et qui comprenaient pas bien ce qui se passait au niveau de la révolution agraire entre le nord et le sud. Voilà. Donc il y avait une désinformation et eux-mêmes, voilà, ils souhaitaient savoir un peu comment ça se passait. Le nord était censé être réactionnaire et le sud, où se développait la révolution agraire, il y avait une expropriation des propriétaires avec une appropriation collective. Donc, comment ça s'est passé? Ben, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on est allé donc, dans le secteur agricole, on a rencontré des responsables du secteur agricole, hein, comme on fait dans n'importe quelle enquête en France ou ailleurs, pour voir à peu près qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et à ce moment-là, on a dressé une liste des différentes expériences coopératives qui existaient. Et on a choisi la coopérative de Barcosu, qui est donc à 5 km de Coimbra. Et donc là, on est resté pour filmer pendant plusieurs jours. Alors, donc cette coopérative, c'était intéressant parce que c'était le seul exemple de réunion de parcelles appartenant à des petits paysans dans le but de les exploiter collectivement. Donc c'était une exploitation collective de parcelles qui appartenaient à des paysans, des propriétaires, hein, on va dire des petits propriétaires, voilà. Donc voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment. Donc après, on a filmé, on a monté, on a fait un pré-montage, on a diffusé, on a montré est-ce que c'est bien ça, est-ce que ce qu'on vous montre c'est bien ça, c'est bien vous, c'est bien vos revendications. Bon, comme d'habitude, ce qui semblait un peu plus contradictoire et qui leur portait un peu préjudice, on l'a fait sauter. Et après, donc, on l'a diffusé dans la région de Porto. Et à partir de là, on a rencontré des gens du mouvement des fermiers du Nord qui luttaient pour la loi du fermage. Et on a filmé un deuxième 30 minutes dans le Nord qui était beaucoup plus coriace, où les propriétaires terriens étaient assez redoutables. Donc le deuxième film s'appelle Le Marne, mouvement des agriculteurs des Randeiros du Nord-Est, c'est-à-dire c'est des métayers. Hein. Voilà, donc ces films ont été diffusés au Portugal. Après, ben, c'est posé la question comme ça s'est posé un peu partout, c'est-à-dire pour diffuser, il fallait avoir du matériel, et le matériel, bon, il fallait aussi payer, etc. Donc, après, il a été diffusé dans la région Rhône-Alpes, par exemple, il a circulé, mais sur place, bon, c'était sympathique, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu aller plus loin en leur laissant, on ne pouvait pas leur laisser du matériel pour le diffuser. Il y avait aussi des problèmes d'électrique, etc. Voilà, donc, on peut le lancer. Alors, oui. C'est Barcosu.